Donc c'est important, on est groupé, on y va fort, on y va dans le calme, et on est parti. Je respire, je te rencontre entre mes insomnies. Mais est-ce quand même petit? Ensemble, nous ont l'espoir contre la défaite du monde. Wow, wow, wow, wow. On comprend des petits grands dessins. Si on est pour faire une plage, une plage, une plage. On contient le monde des petits étoiles. Ensemble, les îles, ça nous contre la défaite du monde. Wow, wow, wow, wow. J'y suis petit comme un grain de sable. Que mon cul des avant vers tout de la belle de la vie. Je ne sais pourquoi la nuit les jours. Je ne sais qu'en venir les mots. Qu'en battu les mots. J'y suis petit comme un grain de sable. Que mon cul des avant vers tout de la belle vie. Je te rencontre entre mes insomnies. Mais c'est qui t'a l'air au contre coup. Nous ont bien plus que tout l'espoir contre le défait du monde. Wow, wow, wow. Je ne sais pourquoi voler les avions. Pourquoi voler les avions. Je ne sais pourquoi flot les bâtons. Il flot le bâton. Je suis petit comme un grain de sable. Que mon vie des avant peur tout de l'air de la vie. De la vie. Je ne sais pourquoi la nuit les jours. C'est qu'un bête de mon qu'un bête de mon. J'y suis petit comme un grain de sable. Que mon vie dise avant perdu d'un air de la vie. De la vie. Je ne sais pourquoi voler les avions. Pourquoi voler les avions. Je ne sais pourquoi voler les bâtons. Qui flotte le bâton. J'y suis petit comme un grain de sable. Que mon vie dise avant perdu d'un air de la vie. De la vie. Je ne sais pourquoi la nuit des jours. C'est qu'un bête de mon qu'un bête de le monde. Je suis petit comme un grain de sable. Que mon vie dit.